Chapitre 96e, les parlements. Tandis que toutes ces intrigues subalternes, couvées et closes sous les tilleuls et dans les fleurs de Trianon, composaient une existence animée au sillon de ce petit monde, les grandes intrigues de la ville, tempêtes menaçantes, ouvraient leurs vastes ailes au-dessus du palais de Thémis, comme l'écrivait mythologiquement M. Jean du Barry à sa sœur. Les parlements, restes dégénérés de l'ancienne opposition française, avaient repris haleine sous la main capricieuse de Louis XV. Mais depuis que leur protecteur, M. de Choiseul, était tombé, ils sentaient le danger s'approcher d'eux et s'apprêtaient à le conjurer par des mesures aussi énergiques que la circonstance le permettait. Toute grande commotion générale s'embrase pour une question personnelle, comme les grandes batailles de corps armés débutent par les engagements des tirailleurs isolés. Depuis que M. de la Chalotais, prenant au corps M. d'Aiguillon, avait personnifié la lutte du tiers contre la féodalité, l'esprit public s'en tenait là et ne souffrait pas que la question fût déplacée. Or, le roi, que le Parlement de Bretagne et de la France entière avait noyé sous un déluge de représentations plus ou moins soumises et filiales, le roi venait, grâce à Madame du Barry, de donner raison contre le tiers-parti à la féodalité en nommant M. d'Aiguillon au commandement de ses chevaux légers. M. Jean du Barry l'avait formulé avec exactitude. C'était un rude soufflet sur la joue des amis et féaux conseillers tenant cours de parlement. Comment ce soufflet serait-il accepté? Telle était la question que la cour et la ville se posaient chaque matin au lever du soleil. Les gens du parlement sont d'habiles gens, et là où beaucoup d'autres sont embarrassés, ils voient clair. Ils commencèrent par bien s'entendre entre eux sur l'application et le résultat du soufflet, après quoi, ils prirent la détermination suivante, lorsqu'il fut bien arrêté que le soufflet avait été donné et reçu. La cour du Parlement délibérera sur la conduite de l'ex-gouverneur de Bretagne et donnera son avis. Mais le roi para le coin intimant au père et au prince la défense de se rendre au palais pour assister à quelque délibération que ce fût touchant M. d'Aiguillon. Ceci obéira à la lettre. Alors le Parlement, résolu de faire sa besogne lui-même, rendit un arrêt, dans lequel, déclarant que le duc d'Aiguillon était gravement inculpé et prévenu de soupçons, même de faits qui entachaient son honneur, ce père était suspendu des fonctions de la pairie jusqu'à ce que, par un jugement rendu en la cour des pairs dans les formes et avec les solennités prescrites par les lois et ordonnances du royaume, que rien ne peut suppléer, il se fût pleinement purgé des accusations et soupçons entachant son honneur. Mais ce n'était rien qu'un pareil arrêt rendu en cour de parlement devant les intéressés et inscrits au registre. Il fallait la publicité, la notoriété publique. Il fallait ce scandale que jamais chanson ne craint de soulever en France, ce qui rend la chanson souveraine dominatrice des événements et des hommes. Il fallait élever cet arrêt du Parlement à la puissance de la chanson. Paris ne demandait pas mieux que de s'intéresser au scandale. Peu disposé pour la cour, peu pour le Parlement, ce Paris en ébullition perpétuelle attendait quelques bons sujets de rire comme transition à tous ces sujets de larmes qu'on lui fournissait depuis 100 ans. L'arrêt donc étant bien et dûment rendu, le Parlement nomma des commissaires pour le faire imprimer sous leurs yeux. On tira cet arrêt à 10 000 exemplaires, dont la distribution fut organisée en un moment. Après quoi, comme il était dans les formes que le principal intéressé fut informé de ce que la cour avait fait de lui, ces mêmes commissaires se transportèrent à l'hôtel de M. le duc d'Aiguillon, qui venait de descendre à Paris pour un rendez-vous impérieux. Ce rendez-vous n'était autre chose qu'une explication nette et franche devenue nécessaire entre le duc et son oncle le maréchal. Grâce à Rafté, tout Versailles avait su en une heure la noble résistance du vieux duc aux ordres du roi, touchant le portefeuille de M. de Choiseul. Grâce à Versailles, tout Paris et toute la France avaient appris la même nouvelle, en sorte que M. de Richelieu se trouvait depuis quelque temps hissé sur le pavois de la popularité, d'où il faisait des grimaces politiques à Madame du Barry et à son cher neveu lui-même. La position n'était pas bonne pour M. d'Aiguillon, déjà fort impopulaire. Le maréchal, si haï du peuple, mais redouté, parce qu'il était l'expression vivante de la noblesse, si respecté et si respectable sous Louis XV, le maréchal, si versatile, qu'après avoir choisi un parti, on le voyait tirer dessus sans ménagement, lorsque la circonstance le permettait, ou qu'un bon mot en pouvait résulter. Richelieu, disons-nous, était un fâcheux ennemi à conserver, d'autant mieux que le pire côté de son inimitié était toujours celui qu'il réservait pour faire ce qu'il appelait des surprises. Le duc d'Aiguillon avait, depuis son entrevue avec Madame du Barry, deux défauts à la cuirasse, devinant tout ce que Richelieu cachait de rancune et d'appétit de vengeance sous l'apparente égalité de son humeur. Il fit ce qu'on doit faire en cas de tempête. Il creva la trombe à coups de canon, bien assuré que le péril serait moindre si on s'y jetait courageusement. Il se mit donc à rechercher partout son oncle pour avoir avec lui un entretien sérieux. Mais rien n'était si difficile depuis que le maréchal avait éventé son désir. Marche et contre-marche commencèrent. Du plus loin que le maréchal voyait son neveu, il lui décochait un sourire et s'entourait immédiatement de gens qui rendaient toute communication impossible. Il défiait ainsi l'ennemi comme dans un fort impénétrable. Le duc d'Aiguillon creva la trombe. Il se présenta purement et simplement chez son oncle à Versailles. Mais Rafté, en faction à sa petite fenêtre de l'hôtel donnant sur la cour, reconnut les livrées du duc et prévint son maître. Le duc entra jusque dans la chambre à coucher du maréchal. Il y trouva Rafté, lequel, avec un sourire tout gros de confidence, commit l'indiscrétion de raconter à ce neveu que son oncle avait passé la nuit hors de l'hôtel. M. d'Aiguillon se pinça les lèvres et fit bonne retraite. Rentré chez lui, il écrivit au maréchal pour lui demander audience. Le maréchal ne pouvait reculer devant une réponse. Il ne pouvait, s'il répondait, refuser l'audience, et, s'il accordait l'audience, comment refuser une bonne explication. M. d'Aiguillon ressemblait trop à ces spadassins polis et charmants qui cachent leurs mauvais desseins sous une gracieuseté adorable, amènent leur homme avec des révérences sur le terrain, et là, l'égorgent sans miséricorde. Le maréchal n'avait pas assez d'amour-propre pour se faire une illusion. Il savait toute la force de son neveu. Une fois en face de lui, cet antagoniste lui arracherait soit un pardon, soit une concession. Or, Richelieu ne pardonnerait jamais, et des concessions à un ennemi sont toujours une faute mortelle en politique. Il feignit donc, au reçu de la lettre de M. d'Aiguillon, d'avoir quitté Paris pour plusieurs jours. Rafté, qu'il consulta sur ce point, lui donna l'avis suivant. « Nous sommes en chemin de ruiner M. d'Aiguillon. Nos amis des parlements font la besogne. Si M. d'Aiguillon, qui sans doute, peu avant l'explosion, peut mettre la main sur vous, il vous arrachera une promesse de le servir en cas de malheur. Car votre ressentiment est de ceux que vous ne pouvez hautement faire passer avant un intérêt de famille. Si vous refusez, au contraire, M. d'Aiguillon s'en va en vous nommant son ennemi. En vous attribuant le mal, il s'en va soulagé, comme on l'est toujours, chaque fois qu'on a trouvé la cause du mal, bien que le mal ne soit pas guéri. » « C'est parfaitement juste, » répliqua Richelieu. « Mais je ne puis me sceller éternellement. Combien de jours avant l'explosion ? 6 jours, monsieur. C'est sûr. » Rafté tira de sa poche une lettre d'un conseiller au Parlement. Cette lettre contenait seulement les 2 lignes que voici. Il a été décidé que l'arrêt serait rendu. Il le sera jeudi, dernier délai fixé par la compagnie. « Alors, rien de plus simple, » répliqua le maréchal. « Renvoie au duc sa lettre avec un billet de ta main. »« Monsieur le duc, vous aurez appris le départ de monsieur le maréchal pour X. Ce changement d'air a été jugé indispensable par le médecin de monsieur le maréchal, qui trouve un peu fatigué. Si, comme je le crois, d'après ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire l'autre jour, vous désirez de parler à monsieur le maréchal, je puis vous certifier que jeudi au soir, monsieur le duc couchera, revenant de X en son hôtel à Paris. Vous l'y trouverez donc sans faute. « Et maintenant, ajouta le maréchal, cache-moi quelque part jusqu'à jeudi. » Rafté suivit ponctuellement ses instructions. Le billet fut écrit et envoyé, la cachette fut trouvée. Seulement, monsieur le duc de Richelieu, qui s'ennuyait fort, sortit un soir pour aller à Trianon parler à Nicole. Il ne risquait rien, ou croyait ne rien risquer, sachant monsieur le duc d'Aiguillon au pavillon de Lucienne. Il résulta de cette manœuvre que si monsieur d'Aiguillon se douta de quelque chose, il ne put du moins prévenir le coup dont il était menacé, faute de rencontrer l'épée de son ennemi. Le délai de jeudi le satisfit. Il partit ce jour-là de Versailles, avec l'espoir de rencontrer enfin et combattre cet antagoniste impalpable. C'était, nous l'avons dit, le jour où le Parlement venait de rendre son arrêt. Une fermentation sourde encore, mais parfaitement intelligible pour le Parisien, qui connaît si bien le niveau de ses ondes, régnait dans les grandes rues que traversa le carrosse de M. d'Aiguillon. On ne fit pas attention à lui, car il avait eu la précaution de voyager dans une voiture sans armes, avec deux grisons, comme s'il allait en bonne fortune. Il vit bien, çà et là, des gens affairés qui se montraient un papier, le lisaient avec force gesticulation et tourbillonnaient en groupe comme des fourmis autour d'une parcelle de sucre tombée à terre. Mais c'était le temps des agitations inoffensives. Le peuple se gourmait ainsi pour une taxe sur les blés, pour un article de Gazette de Hollande, pour un quatrain de Voltaire, ou pour une chanson contre la Dubarry ou M. de Maupoux. M. d'Aiguillon toucha droit à l'hôtel de M. de Richelieu. Il n'y trouva que Rafté. « Monsieur le maréchal, répondit celui-ci, était attendu d'un instant à l'autre. Un retard de poste le retenait sans doute aux barrières. » M. d'Aiguillon proposa d'attendre, tout en manifestant quelque mauvaise humeur à Rafté, car il prenait l'excuse pour une nouvelle défaite. Ce fut bien pire lorsque Rafté lui répondit que le maréchal serait au désespoir quand il rentrerait, qu'on eût fait attendre M. d'Aiguillon, que d'ailleurs il ne devait pas coucher à Paris ainsi qu'il avait été convenu d'abord, que sans doute il ne reviendrait pas seul de la campagne et traverserait seulement Paris en prenant les nouvelles à son hôtel, que par conséquent M. d'Aiguillon ferait bien de retourner chez lui-même où le maréchal monterait en passant. « Écoutez, Rafté, dit d'Aiguillon, qui s'était fort assombri durant cette réplique toute obscure. Vous êtes la conscience de mon oncle. Répondez-moi en honnête homme. On me joue, n'est-ce pas? Et monsieur le maréchal ne veut pas me voir. Ne m'interrompez pas, Rafté. Vous avez été pour moi souvent un bon conseil. Et j'ai pu être pour vous, ce que je serai encore, un bon ami. Faut-il que je retourne à Versailles? Monsieur le duc, sur l'honneur, vous recevrez chez vous, avant 1 heure d'ici, la visite de monsieur le maréchal. Mais alors, autant que je l'attende ici, puisqu'il y viendra. J'ai eu l'honneur de vous dire qu'il n'y viendrait peut-être pas seul. Je comprends. Et j'ai votre parole, Rafté. À ces mots, le duc sortit tout rêveur, mais d'un air aussi noble et aussi gracieux que l'était peu la figure du maréchal lorsqu'il sortit d'un cabinet vitré après le départ de son neveu. Le maréchal souriait comme un de ces laids démons que Callot a semés dans ses tentations. « Il ne se doute de rien, Rafté, dit-il. De rien, monsieur. Quelle heure est-il ? L'heure ne fait rien à la chose, monseigneur. Il faut attendre que notre petit procureur du Châtelet soit venu m'avertir. Les commissaires sont encore chez l'imprimeur. » Rafté n'avait point achevé quand un valet de pied fit entrer par une porte secrète un personnage assez crasseux, assez laid, assez noir, une de ses plumes vivantes, pour lesquelles M. Dubarry professait une si violente antipathie. Rafté poussa le maréchal dans le cabinet et s'avança souriant à la rencontre de cet homme. « Ah, c'est vous, maître Flageot, dit-il. Enchanté de votre visite. Votre serviteur, monsieur de Rafté. Eh bien, l'affaire est faite. C'est imprimé et tiré à 5 000. Les premières épreuves courent déjà la ville, les autres sèchent. Quel malheur, cher monsieur Flageot, quel désespoir pour la famille de monsieur le maréchal. » Monsieur Flageot, pour se dispenser de répondre, c'est-à-dire de mentir, tira une large boîte d'argent où il puisa lentement une prise de tabac d'Espagne. « Et ensuite, que fait-on ? » continua Rafté. « La forme, cher monsieur de Rafté. Messieurs les commissaires, sûrs du tirage et de la distribution, montons immédiatement dans le carrosse qui les attend à la porte de l'imprimerie et s'en iront signifier l'arrêt à monsieur le duc d'Aiguillon qui, justement, voyez le bonheur, c'est-à-dire le malheur, monsieur Rafté, se trouve en son hôtel à Paris où l'on va pouvoir parler à sa personne. » Rafté fit un brusque mouvement pour atteindre sur un meuble un énorme sac de procédure qu'il remit à maître Flageot en lui disant « Voici les pièces dont je vous ai parlé, monsieur. » « Monseigneur le maréchal a la plus grande confiance en vos lumières et vous abandonne cette affaire qui doit être avantageuse pour vous. Merci de vos bons offices dans le déplorable conflit de monsieur d'Aiguillon avec le tout-puissant Parlement de Paris. Merci de vos bons avis. » Et il poussa doucement, mais avec une certaine hâte, vers la porte de l'antichambre, maître Flageot, ravi du poids de son dossier. Aussitôt, délivrant le maréchal de sa prison, « Allons, monsieur, en voiture. Vous n'avez pas de temps à perdre, si vous voulez assister à la représentation. Tâchez que vos chevaux marchent plus vite que ceux de messieurs les commissaires. »